Yeah. Let's get it. Mucho. Okay. Yeah. Hey, t'es perdu au nord de ma vie, je me rappelle. Les retards de loyer à l'appel. Oh my god. Curieux, je voulais connaître la vie, mais je veux pas la vie à Pablo, narco, no. Je vis qu'une seule fois, YOLO. Petit garçon veille de sa mère. Tout même s'il se retrouve dans la mer. Oui. L'argent facile fait du bien. Comment je veux compter jusqu'à m'épuiser. Être indépendant, oui, c'était mon idée. Oui. Être un leader chez nous, c'est inné. Pierre de métal, j'en ai vu de toutes les couleurs. Oh, oui. Mais l'argent ne soigne pas ma douleur. No. J'ai souri dans le malheur, j'ai pleuré dans le bonheur. Oh, my God. Parce que l'argent ne soigne pas ma douleur. Oui. Le cœur, une valeur que personne ne peut acheter. No. Et l'argent ne soigne pas ma douleur. Ah. J'ai souri dans le malheur, j'ai pleuré dans le bonheur. Oh, my God. Parce que l'argent ne soigne pas ma douleur. Ça a commencé fini très tôt. Oh. Chico, Bendo, oui. Gedro, oh. Giro, Lato. Oh, merde. Merci la musique m'a sauvé. Baisse pas les bras dans le vide, je ne vais pas sauter. No. À la victoire, je suis menotté. Si on me demande comment j'ai fait, n'y a pas de secret. Chut. Pourquoi me sourire comme mon dos, tu l'as sucré. Fouah. Après viendra au succès pour le succès. Bien yeah. Aimé toi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Oh, oui. Mais l'argent ne soigne pas ma douleur. No. J'ai souri dans le malheur, j'ai pleuré dans le bonheur. Oh, my God. Parce que l'argent ne soigne pas ma douleur. Oui. Le cœur, une valeur que personne ne peut acheter. No. Et l'argent ne soigne pas ma douleur. Ah, ah. J'ai souri dans le malheur. J'ai pleuré dans le bonheur. Oh my God. Parce que l'argent ne sonne pas ma douleur. Yeah. Parce que l'argent ne sonne pas ma douleur. Nana. Nope. Quand j'étais petit, je souriais dans le malheur. Oui. Et j'ai grandi, je pleure dans le bonheur. Ah, yeah. Oh. Bien de méthode, j'en ai vu de toutes les couleurs. Oh, oui. Mais l'argent ne sonne pas ma douleur. No. J'ai souri dans le malheur, j'ai pleuré dans le bonheur. Oh my God. Parce que l'argent.